13 millions de téléspectateurs ont pu voir l'autre soir six personnages en quête d'auteur du grand dramaturge italien Luigi Pirandello. De cette représentation remarquable à plus d'un point, certains ont manifesté un regret que le public n'ait pas été suffisamment averti de ce qu'il allait voir. Pirandello, c'est certain, est un auteur difficile et son œuvre ne s'approche pas aisément. Peut-être une explication préliminaire aurait facilité les choses pour beaucoup. Bien, c'est ce que nous allons essayer de faire puisque le Centre d'essai de Montpellier a inscrit à son programme d'aujourd'hui une pièce en un acte de Pirandello, Le devoir du médecin. Chez Pirandello, le choix des héros et des sujets est toujours dominé par sa conception même de la vie. Dans sa démarche, il n'admet des personnages, des péripéties, des paysages que s'ils sont imbus, si l'on peut dire, d'un sentiment particulier de la vie qui leur confère une valeur universelle. Dans Le devoir du médecin que vous allez entendre, on retrouve un des motifs chers à Pirandello, le motif de l'instant éternel. Comme le père des six personnages en quête d'auteur, qui se plaint d'être connu des autres, jugé par les autres, sur une seule minute honteuse de sa vie, Thomas Corsi, qui a assassiné dans un moment d'égarement, refuse le visage, le masque d'assassin que la société veut lui attribuer. On a souvent essayé de tirer de l'œuvre de Pirandello un système philosophique. Mais Pirandello, comme Marcel Proust et Paul Valéry, comme Freud, auquel il s'apparente, s'est toujours défendu d'être un philosophe, à plus forte raison un auteur de système. On a parlé à son propos d'art cérébral, et il est certain que la cérébralité de ses héros est au centre même de son art, mais elle n'y est jamais envisagée en soi, comme un jeu autonome de l'esprit, toujours comme un instrument de malheur ou de bonheur, comme la cause et le lieu du tourment spirituel que font naître la connaissance des choses et de soi-même et la radicale impuissance de l'homme à les modifier. Le devoir du médecin que nous présentons est une des pièces en un acte les plus dramatiques que Pirandello ait écrite tout à fait au début de sa carrière. Il en a intensifié la donnée prise à la nouvelle du même nom. La nouvelle montrait les interprétations multiples et contradictoires données d'un même fait par chacun des acteurs et des spectateurs. Le fait, un homicide presque involontaire. Surpris en flagrant délit d'adultère par un mari jusque-là complaisant et menacé par lui, Thomas Corsi le tue d'un coup de revolver, puis veut se faire justice. Mais il ne réussit qu'à se blesser gravement. S'il guérit, il passera en jugement et sera condamné aux travaux forcés. Il lui faudrait donc pour toujours quitter ceux qu'il aime comme s'il était mort. Il supplie le médecin de le laisser mourir et refuse la guérison en arrachant le pansement que le médecin avait cru de son devoir de lui refaire. Le devoir du médecin, un acte de Luigi Pirandello, version française de Marianne Comen, avec Robert Florent dans le rôle de Thomas Corsi, Eliane Temple, Anne, sa femme, Michel Christol, Madame Reiss, Jacques Balpe, le docteur Lecky, Pierre Gély, l'avocat Cimetta, Monique Bonafous, Rosa, la femme de chambre, Jean Brun, l'agent de police, Max Daval, l'infirmier. Prise de son Henri Maury, réalisation Madeleine Attal. Dans une ville de l'Italie méridionale, de nos jours, la maison de Thomas Corsi. Est-ce que vous serez de garde longtemps encore ? Non, madame, nous finirons peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui ? Enfin, vous l'emmènerez. Ah, j'en suis pas sûr. Il me semble avoir entendu dire que oui. Voilà, elle vient tout de suite. Maman ! Maman ! Oh, maman ! Est-ce que vous ne pourriez pas, je vous prie, vous retirer un instant ? Vous mettre derrière la porte de l'autre côté. À vrai dire, j'ai l'ordre de resserrer la surveillance et non pas de la relâcher. Hein? Mais puisqu'il ne peut même pas faire un mouvement tout seul dans son lit. Ah, je comprends, mais... Pour un petit moment, oui, madame. Merci. Vous pouvez l'emporter, cette chaise. Oh, maman chérie, que je t'en remercie d'être revenue. Mais tu sais, je ne t'en veux pas de m'avoir laissée seule. Tu n'as pas voulu me suivre. Tu as voulu rester ici pour assister à toutes ces jolies scènes et pour te mettre dans l'état où je te vois. Mais comment aurais-je pu le laisser, maman? Que dis-tu là? Ah, je te remercie d'avoir emmené les enfants. Comment vont-ils? Didi, Frédéric? Ils vont bien. Didi aussi? Oui, tous les deux. Mais tu reviendras vite, toi aussi, à ce que l'on dit. Ne doit-on pas l'emmener aujourd'hui? Aujourd'hui? Et qui te l'a dit? L'agent. Aujourd'hui? Mais c'est pas possible, il t'a dit ça. Monsieur l'agent! Oui. Écoutez, venez une minute. Oui. Mais comment aujourd'hui? Vous l'emmenez aujourd'hui? Ah, je n'en suis pas tout à fait sûr. Il me semble bien l'avoir entendu dire. Mais puisqu'il est encore au lit, la blessure n'est pas fermée. Le docteur ne le permettra sûrement pas. Il est encore sous sa responsabilité. Hier soir, justement, il a dit qu'aujourd'hui, pour la première fois, il verrait s'il pourrait lui permettre de se lever quelques minutes. Il peut déjà se lever. Mais non, il se tient même pas debout. Ni même assis sur son lit s'il n'est pas soutenu. Rosa! Rosa! Oh, ce serait une infamie. Rosa, envoie tout de suite Henri chez le docteur. Qu'il le prie de venir tout de suite, sans perdre une minute. J'ai compris. Oui, madame. Et justement, il commence un peu à revenir à la vie. Et on a tant fait pour le sauver. Moi, je suis aux ordres, madame. Je peux me retirer un moment. Mais oui, soyez tranquille, il ne peut même pas bouger. Même ça, comme si on n'avait pas eu assez de tourments. Il n'est pas mort, l'assassin. Oh, maman, tu le hais. Tu ne lui as pas pardonné. Oui, je le hais pour tout ce qu'il t'a fait souffrir, pour l'ignominie qu'il a jetée sur toi, sur tes enfants et sur nous tous. Et ce n'est pas fini. Si seulement il était mort. Il aurait mieux valu pour lui aussi qu'il meure sous le coup. Et crois-le bien, maman, il a voulu mourir. Ce que je vois, c'est qu'il a su parfaitement tuer Neri, mais que lui, il est encore là. C'est pourtant le cœur qu'il a visé. Il aurait dû viser la tête. Et 3 ou 4 fois, il a arraché son pansement. Les médecins ont voulu le sauver à toute force, ce qu'ils ont pu tenter nuit et jour autour de ce lit. Mais vraiment, lui aussi, il a tout tenté pour mourir. Ça ne m'étonne pas. Il sait trop ce qu'il attend. Non, maman. Pour se punir. Tu ne sais voir que son acte. N'est-il plus un assassin? Parce qu'il a désiré mourir. Il n'a pas tué Neri. Il ne se trompait pas avec la femme de Neri. Oui, oui. Tu ne dis que je vois que les faits. Mais il y a tant de choses que tu ne peux pas savoir et que je sais. Voilà que tu parles comme lui. Mon Dieu, je crois l'entendre. Les faits qui ne sont pas des faits, des sacs vides qui ne tiennent pas debout. C'est ainsi qu'il t'a toujours trompé, aveuglé. Mais non, maman. Oui, oui, aveuglé. C'était une fureur de vivre, sans réfléchir. Sans scrupule. Oh, comme tu voudras. Je me suis tant de fois efforcée de juger en moi-même ses actes. Mais il n'accordait pas plus d'importance à mon jugement qu'il n'en donnait à ses actes. Il était inutile de le faire revenir en arrière et de lui faire considérer le méfait. Un haussement d'épaule, un sourire et en avant. Il fallait continuer à tout prix sans prendre le temps de réfléchir si c'était bien ou si c'était mal. Ah, tu parles bien. Mais dans cette hâte constante, vraiment aucun vice n'était possible à découvrir. Il restait pur, toujours joyeux, bon avec tout le monde. À 38 ans, un vrai gosse, capable de se mettre à jouer de tout son cœur avec Didi et Frédéric, et à prendre des colères dans le jeu. Et après 10 ans, toujours près de moi, toujours. Quelques péricadilles peut-être, mais bien passagères. Il ne m'a jamais menti. Non, il ne pouvait pas mentir avec ses yeux et ce sourire qui égayait chaque jour notre maison. Angelica Neri. Mais tu voudrais sérieusement que je m'abaisse au point de croire qu'entre elle et moi... Écoute, c'était même pas un caprice. Seulement la preuve d'une de ces faiblesses dont aucun homme peut-être n'est capable de se défendre. Il pouvait même pas avoir de scrupules à cause de son amitié avec son mari, lequel savait fort bien à quelle catégorie appartenait sa femme et quel triste usage elle faisait de son honneur avec tous sans se cacher. Mais puisqu'ici même, chez nous, sous mes yeux, elle a essayé de séduire Thomas avec ses grimaces de guenon malade. Ici même, je m'en suis aperçue, mais pas lui. Nous en avons tellement ri, Thomas et moi. Oui. Nous avons beaucoup ri. Ma pauvre fille, tu deviens folle. C'est toi qui me rends folle. Oh, les faits sont bien ceux que le mari connaissait. Il n'y avait pas seulement Thomas, il y en a eu d'autres. Il s'en était jamais soucié. Il a voulu faire ce drame alors qu'il aurait dû simplement tuer sa femme comme une chienne enragée. Et ça n'aurait rien coûté à personne. Les faits. Mais on pourrait dire aussi que Thomas portait son revolver dans l'intention de s'en servir contre Neri. Alors qu'il l'avait toujours sur lui quand il allait à la campagne pour ses travaux d'entrepreneur. Voilà le docteur. Et vous êtes venu aussi, maître. Ce brusque appel, mais quoi de nouveau? Ma mère. Madame. Ah, docteur, on va me rendre folle. On veut l'emmener aujourd'hui. Mais non. Qui a dit cela? L'agent qui est là, demandez-le lui. Nous l'en empêcherons, rassurez-vous. J'irai moi-même tout à l'heure chez le commissaire. Tu viendras aussi, Chimette, hein? Ah, nous avons fait un vrai miracle, mon ami. Tu vois bien, maman, que c'est vrai. Beaucoup plus que sur lui, contre lui-même. Oui, c'est vrai. Un peu de résistance, peut-être dans le délire. La vraie résistance, mon ami, je l'ai trouvée dans un amas de complications, toutes plus graves les unes que les autres, qui me forçaient à avoir recours à des remèdes improvisés, qui souvent s'opposaient si bien l'un à l'autre qu'ils auraient pu faire reculer n'importe qui à ma place. Si pour une seule minute, je m'étais laissé vaincre par la moindre hésitation, par un seul doute. Adieu. Ah, je peux dire que je n'ai jamais eu dans l'exercice de ma profession une satisfaction semblable. Je m'excuse, madame, de n'être pas venu plus tôt vous dire ma désolation. Mais croyez bien que j'étais atterré par cet éclat impossible qui a bouleversé toute la ville. Ici, il y a eu jusqu'à ce jour surtout besoin du médecin. Maintenant qu'on aura, hélas, aussi besoin de moi, je suis venu spontanément parce que je sais la confiance que Thomas a toujours eue en mes modestes capacités. Mais j'ai prié notre cher ami de venir avec moi aujourd'hui parce que il sera bon de commencer tout de suite à préparer le convalescent à la dure nécessité qu'il ne pourra plus éviter. Ce sera horrible, docteur. Il semble qu'il ne s'en doute même pas. Il est comme un enfant. Il s'émeut, il pleure, il rit pour un rien. Il me disait justement ce matin que dès qu'il sera remis, il veut s'en aller un mois à la campagne, en villégiature. C'est cela même, en villégiature. Pauvre Thomas. Attendons quelques jours encore. Aujourd'hui, nous allons lui montrer l'avocat. Mais il n'est pas possible que la conscience de ses responsabilités ne lui vienne pas à quelques moments. Et vous croyez, maître, que ce sera grave? Madame. Allons, du courage. Ce n'est pas le moment de se désoler. Pour l'instant, il est calme. Vous n'avez rien observé depuis hier soir? Non, rien. C'est bien. Allez dans sa chambre et faites-vous aider par l'infirmier à l'habiller et à le lever, tout doucement. Et vous verrez quand il sera debout s'il pourra essayer de faire quelques pas. Pendant ce temps, nous irons, l'avocat et moi, chez le commissaire. Nous serons de retour dans quelques minutes. Allons, du courage, madame. Vous en avez eu tellement déjà. Je n'en ai plus. Il faut t'en avoir. Je vous en prie, madame. Me voici. Ça va bien. Allons, au revoir, maître. Au revoir. Au revoir. Et toi, maman? Moi, je m'en vais. Je le sais bien. Adieu. Les enfants, embrasse-les pour moi. Pauvre madame, elle est méconnaissable. Faites-le-moi partir tout de suite, l'assassin, par pitié pour ma pauvre fille. C'est une question de jour, chère madame. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. Ah, Chimette, ce fut par une tolérance extraordinaire qu'on l'a laissée ici à nos soins jusqu'à aujourd'hui. Surveillée, bien entendu, mais avec toute l'indulgence et la considération possible, si on pense à la qualité du mort. C'est incroyable. On croit rêver avoir fait un cauchemar. Pour cette femme-là, un homme comme celui-là, laid, usé, apathique, qui se traînait mollement dans la vie, qui se savait, depuis tant d'années, impudemment trompé par sa femme et ne s'en souciait pas, qui avait l'air de trouver difficile et fatigant le seul fait de vous regarder, de vous parler, avec sa petite voix molle et miaulante. Son sang se réveille brusquement et se met à bouillir contre qui? Contre ce pauvre Thomas. Mais dites-moi, madame, Thomas, comment et pourquoi était-il son ami? À cause de ce juge qui fut changé. Le juge, comment s'appelait-il? Larcan, je crois. Ah oui, le procureur Larcan. Il habitait ici, le petit appartement voisin. Quand il reçut son changement, il écrivit à Neri qui le remplaça une lettre de présentation pour mon gendre. Voilà comment ils firent connaissance. Il me semble que Neri fut le parrain d'un fils de Thomas. Oui, le dernier, celui qui est mort. Tu comprends, Letchi? On peut être sûr que malheureux comme il devait l'être, la mort aura été un soulagement pour lui. Et ici, toute une famille est bouleversée. Dites, docteur, docteur, ne pourrait-on un peu le faire sortir de sa chambre? Il le demande. S'il peut marcher, oui, mais sans trop d'efforts. Voyez-vous-même. Et une chaise toujours à portée de la main au cas où il fléchirait sur ses jambes, je vous en prie. Vous venez aussi, madame? Oui, me voici, je passe devant. Au revoir, Anne. Après vous, passez. Au revoir, madame. Au revoir. Par pitié, docteur, dites à l'agent de ne pas se montrer. Soyez tranquille. Bien que peut-être... Oh, non, pas l'agent. Alors essayez vous-même. Personne mieux que vous ne pourra... Vous saisirez la première occasion. Et comment faire? Allons, nous revenons tout de suite. Au revoir. Thomas Corsi entre, soutenu par Anne et l'infirmier. Il est grand et très beau, le visage cireux. Sur ses lèvres, un sourire pâle et triste. L'échancrure de la chemise montre sa poitrine bandée. Anne et l'infirmier le ramènent jusqu'au fauteuil et il s'y abandonne avec soulagement. Était là, tranquille. Ah, ah, cette armoire, si on l'ouvre, elle se met à crier. Anne, ouvre-la un peu pour voir. Oh! Quoi donc? Oh, rien. Un air froissé s'est passé. Attends, je m'appuie au dossier. Attends, derrière ton dos, un coussin plutôt. Non, non. Oh. Peut-être, oui. Prenez aussi une couverture. La verte qui est sur le lit. Oui, celle-ci, oui. Merci. Que je l'aime. Qu'elle m'a été bonne. Les rêves qu'elle m'a permis de faire. Quand j'ai revu sur ce beau verre ma main toute pâle, comme elle tremblait. Je me sentais comme dans un grand vide, mais un vide tranquille, suave, comme un rêve. Et tout me paraissait lointain, lointain. Et cette peluche verte, c'était pour moi la campagne, le gazon d'une prairie infinie. J'y vivais, heureux, rêvant dans un délire que je ne sais pas te dire. Tout était nouveau, la vie recommençait. Peut-être avait-elle suspendu pour tout le monde, mais non, voilà. J'entendais passer une voiture. Non, je me disais, dehors dans les rues, pendant tout ce temps, la vie a continué. Et cela me contrariait. Et alors, je me remettais à regarder cette couverture. Ici, la vie recommençait vraiment, avec tous ces brins d'herbe. Et pour moi aussi, elle recommençait. Si je pouvais respirer un peu d'air frais, tu pleures. Non, n'y fais pas attention. Elle pleure. Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, aller à côté une minute? Oui, monsieur. Merci. Anne, pourquoi? Tu ne m'as donc pas encore pardonné? Non? Mais oui. Mais alors? Non, tu le comprends. Tu le sens que c'est vrai. Quand je te dis que jamais de mon cœur ni de ma pensée, tu ne t'es éloignée. Toi, ma petite sainte. Mon amour. Mon amour. Oui, ne parle pas. Tu vas te fatiguer. Ce fut une infamie. Oh, ne parle pas par pitié, n'y pense plus. Non, il faut que je te le dise. Je ne veux rien entendre. Non, ne me dis rien. Je sais tout. Pour qu'aucun nuage ne demeure entre nous. Il n'y en aura plus. Non. Une infamie. Me surprendre dans ce moment. Honteux. D'oisiveté stupide. N'y pense plus, je t'en supplie, Thomas. Tu le comprends. S'il est vrai que tu m'aies pardonné. Oui, je le comprends. Faute stupide. Que ce malheureux a voulu rendre énorme en essayant par deux fois de me tuer. Lui, oui. Deux fois. Il est venu sur moi son arme à la main et il a tiré pour me tuer. Je fus obligé de me défendre. Je ne pouvais, tu le comprends bien, me laisser tuer pour cette femme-là. Je ne le pouvais pas à cause de vous. Je le lui ai dit. Mais il était comme fou. Et moi, je n'arrivais pas à me sortir de ce lit parce que j'avais honte. Il tira un premier coup qui brisa le verre d'un tableau au chevet du lit. Je me retourne et lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Presque en riant, tant il me paraissait impossible qu'il ne comprit pas que c'était une infamie, une folie que de me tuer de cette façon, dans ce moment-là, me tuer. Moi, qui aurait tant voulu n'être pas là. Bon, j'y étais par hasard, appelé par cette femme-là avec un prétexte. Tu vois comme tu t'agites. Assez, Thomas, par pitié, tu te fais du mal. Toute ma vie était ailleurs. Toi, mes enfants à défendre, mes affaires. Il m'envoie dans la figure un deuxième coup. Ah oui, et tant pis pour toi, malheureux. Je n'ai pas le souvenir d'avoir tiré sur lui. Il est tombé sur le plancher. Puis il s'est replié, ventre à terre. C'est alors que je m'aperçus que j'avais à la main mon revolver, encore chaud. Je sentis en moi quelque chose de trouble, d'atroce. Je regardais le cadavre par terre, la fenêtre par laquelle la femme s'était jetée. J'entendis les clameurs de la rue. Avec cette même arme. Oh. Tu vois comme tu te fais du mal, Thomas. Oh, mon Dieu. Ce n'est rien. Un peu de fatigue. Veux-tu te remettre au lit? Non. Je suis bien ici. C'est fini. Je suis assez fort. Il faut que je me remette très vite. Je voulais seulement te dire ce qui s'est passé. Et que, par force... Non, assez, ne recommence pas. Ah, voilà le docteur. Tu diras toutes ces choses au juge et tu verras que... Mais moi... Ah, c'est vrai, le procès. Allons, du courage. Ce ne sont que des formalités. Et quelle plus grande punition que celle que je m'étais donnée de mes propres mains. Hélas, mon cher, elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Et alors? Eh oui, le croiras-tu? Il me semblait que tout était fini. Anne, je suis perdu. Mais non, mais pourquoi? Qui a dit cela? Perdu. Le procès. On va m'arrêter. Mais comment n'y avais-je pas pensé? Et ce sera d'autant plus grave, n'est-ce pas, Tim Meta, que j'ai tué non pas un malheureux quelconque, mais un procureur du roi. Si c'était du moins possible de prouver qu'il s'était déjà aperçu des torts de sa femme avant cette affaire. Mais il y a le témoignage d'un tas de gens. Mais le sien, non. Et un mort, on ne peut pas l'appeler pour qu'il jure sur son honneur. C'est bon pour les vers, l'honneur des morts. Quelle valeur peut avoir un raisonnement contre la preuve des faits? Il le savait, peut-être. Mais les faits démontrent le contraire, qu'il n'a pas supporté l'outrage et qu'il s'est révolté. Tu dis, est-ce que je devais me laisser tuer par lui? Non. Mais si tu voulais que fût respecté ton droit à la vie, il ne fallait pas te faire prendre avec sa femme. En faisant cela, prends garde que j'aperçois les vues de l'accusation. Tu as dérogé à ton droit, tu t'es exposé au risque et tu ne devais pas réagir. Tu comprends deux fautes. Mais moi... Ah, laisse-moi parler. De la première faute, de l'adultère, tu devais te laisser punir par lui, par le mari offensé. Au lieu de cela, tu l'as tué. Mais d'instinct, pour ne pas me laisser tuer. Mais tout de suite après, tu as tenté de te donner la mort. Et ça ne suffit pas. Non seulement ça ne suffit pas, mais ça se retourne contre toi. Ah oui, pour comble. En essayant de te tuer, tu as reconnu implicitement ta faute. Oui, je me suis puni. Non, mon cher. Tu as essayé de te soustraire au châtiment. En me donnant la mort. Qu'aurais-je pu faire de plus? En effet, mais tu aurais dû mourir n'étant pas mort. C'est là ma grande faute. Mais moi, je serais mort si le docteur n'avait pas voulu me sauver. Comment, moi? Oui, vous, vous. Je ne voulais pas de vos soins. Vous avez voulu me les imposer par force. Me redonner la vie. Et pourquoi me l'avez-vous redonné? Doucement, si maintenant... Doucement, du calme. Vous faites du mal en vous agitant ainsi. Merci, docteur. Je vois que ma guérison vous importe beaucoup. Écoute, Jimette. Je veux raisonner très calmement pour ne pas déplaire au docteur. Je m'étais tué. Il arrive. Il me sauve. De quel droit? Après tout, permettez. C'est une drôle de façon de me remercier. Vous remercier? De quoi? N'avez-vous pas entendu l'avocat? J'aurais donc dû vous laisser mourir. Mais tout simplement, puisque vous n'aviez pas le droit de disposer de cette vie que je m'étais enlevée et que vous me redonniez. Comment disposer? On ne peut pas supprimer les lois. Moi, j'en étais sorti de la loi en me donnant une punition plus grave que celle que la loi peut donner. La peine de mort n'existe plus. Et sans vous, je serais mort. Mais moi, j'avais à faire le devoir de ma profession, mon cher Corsi. Essayez de toutes les façons... de vous sauver. Pour me livrer aux mains de la justice et me faire condamner. Et de quel droit? C'est cela que je voudrais savoir. Exercez-vous sur un homme qui a voulu mourir votre devoir de médecin. Si vous n'avez pas en échange le droit social de donner à cet homme le moyen de vivre la vie que vous lui imposez... Et le mal que tu as fait? Je m'en suis lavé dans mon propre sang. Ça ne suffit pas. J'avais tué. Et je m'étais tué. Il ne m'a pas laissé mourir. J'ai résisté à tous ses soins. Trois fois, j'ai arraché mon pansement. Maintenant, je suis là, ressuscité grâce à lui et né à une autre vie. Comment voulez-vous que je reste attaché à un moment de cette autre vie qui, pour moi, n'existe plus? Le remords de ce moment-là, je me le suis arraché. Dans une heure, j'ai payé ma faute. Une heure qui aurait pu être aussi longue que l'éternité. Maintenant, je n'ai plus rien à expier. Je dois me remettre à vivre pour ma famille et travailler pour mes enfants. Comment voulez-vous que je sois dans quelque prison à expier un crime que je n'avais nulle envie de commettre, que je n'aurais jamais commis si je n'y avais été forcé? Tandis que maintenant, au fond, ceux qui profiteront de votre science et de votre devoir de me maintenir en vie uniquement pour que la loi me condamne, commettront eux le crime de m'abrutir dans une oisiveté infâme en laissant mes enfants innocents dans la misère et l'ignominie. De quel droit? Docteur! Docteur! La blessure vient de se rouvrir. La blessure. Non. Non. Il a raison. Vous avez entendu? Je ne peux pas. Je ne dois pas. Le centre d'essai de Montpellier vient de vous présenter Le devoir du médecin, un acte de Pirandello, version française de Marianne Comen, avec Robert Florent dans le rôle de Thomas Corsi, Eliane Temple, Anne, Michel Christol, Madame Reiss, Jacques Balp, le docteur, Pierre Gilly, Chimetta, Monique Bonafous, Rosa, la femme de chambre, Jean Brun, l'agent de police, Max Daval, l'infirmier. Prise de son Henri Maury, réalisation Madeleine Attal.